presque rien sur presque tout. Une émission de Patrick Ferlin. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous du 13-14 en direct de nos studios à Genève. Guillaume Chenevière, bonjour. Bonjour. Grand invité de ce numéro de Presque Rien sur Presque Tout pour la sortie aux éditions Laboré Fides d'une somme consacrée à Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, une histoire genevoise où pour aller vite, ce que Jean-Jacques doit à Genève et Genève à Rousseau. Un ouvrage érudit qui met en lumière combien cette ville fut la métropole du système qui soutint la souveraineté du peuple dont Rousseau aura finalement été l'un des théoriciens. Un livre qui rappelle encore qu'au temps de Rousseau, on se réfugiait à Genève pour des motifs plus économiques que religieux. Citation de l'époque, il arrive tous les jours à Genève des émigrants persécutés par le désir d'y faire de l'argent. C'était hier, Guillaume Chenevière, c'est aujourd'hui. On y revient dans une seconde. Le temps de vous signaler que vers moins le quart, nous accueillerons l'écrivain britannique Gilles Milton, auteur d'un livre qui sort de presse aux éditions Noir sur Blanc, la Deuxième Guerre mondiale au cœur de cet ouvrage intitulé « Wolfram, un jeune rêveur face aux nazis ». Wolfram Eichelet avait 9 ans lorsqu'Hitler accède au pouvoir en 1933. Vous aviez, vous, 7 ans à la fin de la guerre. Guillaume Chenevière, quel souvenir ? Alors c'est un grand souvenir parce que tout le monde, il y avait l'armistice, tout le monde avait des petits drapeaux de toutes les nationalités. Je suis rentré à la maison avec plein de drapeaux, les drapeaux plein les mains et mon père qui travaillait à la Suisse, le journal La Suisse, il travaillait la nuit, il se levait à 1h de l'après-midi. Quand il m'a vu avec tous mes drapeaux, il me les a immédiatement arrachés, il les a jetés dans la poubelle et il m'a dit « Non, nous sommes un pays neutre, tu ne peux porter que le drapeau suisse et le drapeau grec à cause de ta belle-mère ». Alors c'était une grande déception. Guillaume Chenevière, alors vous travaillez à l'écriture de ce livre. Dans de nombreux pays, je vous cite, des citoyens occupent la rue pour exiger souveraineté, liberté, égalité et dignité. La ressemblance de ces mouvements, c'est vous qui parlez, avec celui de citoyens genevois du XVIIIe siècle est frappante. Ils sont issus d'une classe moyenne qui n'entend pas brimer ses aspirations légitimes et qui, écrivez-vous, se sert habilement des réseaux sociaux de son époque pour faire valoir ses droits. Alors voilà qui appelle beaucoup de questions. Avant de vous les poser, il faut rappeler brièvement, un, que Jean-Jacques Rousseau a 6 ans en 1718, au moment où paraissent les lettres anonymes qui exposent une idée relativement, entre guillemets, simple, l'instauration d'un régime légitime et juste, et ce qui est juste est bien sûr l'essentiel de la liberté. Rappelez aussi qu'une grande partie de son enfance, Rousseau va la passer dans l'atelier d'horlogerie de son père. Jean-Jacques perçoit ainsi les mouvements contestataires réclamer l'application de la Constitution, soit la souveraineté du peuple qui figure sur le papier mais qui n'est pas appliquée. Alors les questions maintenant, Rousseau, l'auteur du contrat social, notamment des lettres écrites de la montagne dont on parlera tout à l'heure, était-il de votre point de vue à l'époque, Guillaume Chenevière, un indigné ? Oui, alors il a été beaucoup un indigné, du reste il dit lui-même « je parle avec l'indignation de la vertu », n'est-ce pas ? Et cette indignation lui est venue tardivement, elle lui est venue qu'à 40 ans. Parce que il faut comprendre qu'après cette enfance que vous avez rappelée, Rousseau a perdu son père, si on peut dire, puisqu'il est parti à Nyon, il a été mis en pension chez son oncle, qu'il a lui-même confié au pasteur Lambercier, donc tout d'un coup il a vécu un petit peu une enfance plutôt de famille riche et non plus de famille d'artisans modeste comme c'était le cas avant. Puis ensuite, tout d'un coup, au nouveau renversement, il devient apprenti. Et cet apprentissage de graveur à la rue des Étuves ne lui plaît pas du tout. Il se dit « mais j'ai autre chose en moi ». Et il abandonne Genève à 15 ans. Il quitte sa religion, qui change de vie. Et pendant 25 ans, il va acquérir pratiquement toutes les connaissances de son époque pour devenir, pour finir, un Parisien, membre de l'élite la plus sophistiquée de son époque. Et tout d'un coup, il est plutôt musicien à ce moment-là, puis un petit peu comme ça, il écrit, etc. Et il lit cette fameuse question de l'Académie de Dijon, qu'on peut traduire en termes modernes. Est-ce que le développement de la science, de la technologie, de la civilisation nous rend meilleurs ? Et tout d'un coup, Rousseau a une espèce d'illumination, il se dit « mais c'est vrai, j'ai quitté Genève à 15 ans, je ne savais pas grand-chose, j'ai maintenant acquis pratiquement, et c'était le vrai, et c'est un autodidacte génial, hein, il a acquis toute la science de son époque, dans tous les domaines, les arts, la science, la tout, il sait tout. Hein. » Et il se dit « est-ce que je suis devenu meilleur ?» Et la réponse saute aux yeux. Pas du tout. Et donc, du coup, ça le motive à écrire son premier discours, n'est-ce pas, d'indigné, dans lequel il dit « Mais non, mais on nous ment, mais nous nous mentons à nous-mêmes. Cette civilisation ne nous rend pas meilleurs, elle nous rend au contraire dépendants, aliénés, elle entraîne l'inégalité, elle entraîne l'injustice, elle entraîne… Non, il faut nous débarrasser de tout ça. » Et alors, il se proclame citoyen de Genève, et c'est justement le retour à cette enfance dont nous avons parlé, là, dans l'atelier de son père, entouré des contestataires, etc. Et alors, on revient à cette idée des lettres anonymes, dont Rousseau a évidemment beaucoup entendu parler. Alors, moi, sont les lettres anonymes? Alors, c'est un pasteur, qui s'appelle le pasteur Léger, à qui un certain nombre de gens qui avaient vécu des événements de 1707, en 1707, il y a une espèce de révolution, on peut dire, hein, où on veut absolument obtenir la reconnaissance de la souveraineté du peuple, qui est dans les édits, mais qui, comme vous l'avez dit, n'est pas appliqué par l'oligarchie. Et puis, ça se termine évidemment assez mal. Il y a une conquête, et cette conquête, c'est le gouvernement s'est engagé à tous les 5 ans, devant le peuple, au fond, présenter sa politique et se demander une sorte de vote de confiance. Alors, évidemment, ils sont horrifiés à l'idée de devoir faire une chose pareille, et ils trouvent le moyen, l'année de la naissance de Rousseau, par une ruse qu'on n'a pas le temps de raconter aujourd'hui, d'obtenir que le peuple renonce à cette conquête. Rousseau est très sensible à ça. Je suis né, en somme, en 1712, et 2 malheurs sont arrivés. Ma mère est morte, et Genève a perdu sa liberté, en quelque sorte. Donc, il va se dire, après, il faut que moi, je la lui rende. Hein, vous voyez l'idée. Alors, les lettres anonymes, c'est à la demande d'un certain nombre d'artisans, ce pasteur, secrètement, on ne connaît son identité que depuis quelques années, et tout récemment maintenant, a rédigé pour les contestataires artisans, il a rédigé pour quelles raisons vous êtes vraiment fondé à protester. Et alors il y a plusieurs réflexions qui sont très intéressantes, et l'une d'entre elles est formidable, c'est celle qui dit, attention, l'utile ne peut pas être un argument pour renoncer au juste. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'oligarchie nous dit « Mais regardez, comme nous sommes une ville prospère, on est beaucoup mieux que tous nos voisins, alors que qu'est-ce que vous voulez la ramener, etc. » Non, vous avez le droit à la liberté. La liberté, c'est l'essentiel. Et si vous n'avez pas la liberté, alors toute cette fortune qu'on vous promet ne vaut rien. Alors c'est une idée que Rousseau, évidemment, va intégrer et que lorsqu'il devient indigné à 40 ans, il va ressortir. Et c'est pour ça qu'il se proclame citoyen de Genève. Il ne l'est plus, c'est un mensonge total, il est devenu catholique, etc. Alors il dit non, non, non, moi je prends ça très au sérieux, je ne veux pas simplement devenir une star parisienne, ce qu'il devient instantanément, parce que ce discours a un succès énorme, tout le monde dit c'est génial, mais Rousseau dit non, non, non, moi je suis le citoyen de Genève, je vais le devenir, je vais être le véritable critique, c'est moi qui, je veux le vrai indigné, je vais faire sauter tout ça. Et donc il redevient Genevois, il rentre à Genève, là les Genevois sont assez accommodants, parce qu'ils sont au fond assez flattés du succès de Oui, il revient en 1754, voilà, il est accueilli comme une star. Tout à fait, aussi une star à Genève, on lui donne sans trop de discussion la religion protestante, il y a des détails assez drôles, le pasteur maître lui dit « Oui, mais c'est quand même un peu étrange, vous vivez avec une dame, il n'y a qu'un seul lit dans la chambre, et puis vous dites « Oui, oui, mais je suis malade, ça n'a pas d'importance », et puis Thérèse se jette en disant « Oh, mais vous savez, c'est mon bienfaiteur, alors que je ferais n'importe quoi pour lui, mais ça n'a aucun rapport, etc. » Le pasteur avale tout ça sans dire un mot. Vous voyez. Bon. Et puis, on est tellement décidé à le refaire citoyen qu'on lui permet même d'assister au Conseil Général, qui est réservé aux citoyens, avant qu'il soit redevenu citoyen. Vous voyez, c'est vous dire, il est très très bien accueilli. Voilà. Alors, les lettres anonymes, juste un mot, une précision, dans quelles circonstances est-ce qu'il les découvre? Alors, c'est l'héritage de sa mère? Alors, c'est les deux choses. D'abord, ces lettres ont été lues, répandu, commenté, discuté sans cesse pendant les années à venir. Le gouvernement les a interdites. Toute personne qui se serait trouvée en possession d'une de ces lettres était bannie à perpétuité. Mais les gens les avaient quand même. Et donc Rousseau l'a forcément entendu parce qu'on sait, n'est-ce pas maintenant, que dans l'endroit où était l'atelier de son père, tous les voisins sont des contestataires qui ont été mêlés aux affaires de 1707. Et puis le grand-père de Rousseau, David, le père du père, lui aussi était un contestataire. Pardon, c'est forcé que Rousseau ait entendu dire ça. Et puis alors, en 1737, il revient à Genève brièvement pour récupérer l'héritage de sa mère. Et là, sa tante lui dit, parce que son oncle Gabriel Bernard et son cousin qu'il aimait beaucoup, le fils de Gabriel Bernard, sont morts. Et la tante lui dit, si tu veux, tu peux regarder dans les papiers, prends ce que tu veux. Et il dit, j'ai trouvé là-dedans des lettres dont on n'a pas idée. Et je les ai prises. Alors, ces lettres dont on n'a pas idée, je suis persuadé, et d'autres historiens le pensent aussi, que ce sont justement ces lettres anonymes copiées à la main, comme on le faisait à l'époque, et qu'il a emporté ça. Et la preuve de ça, il n'y a pas de preuve absolue, mais disons, c'est très frappant de voir que tant dans le contrat social que dans les lettres écrites de la montagne, il y a vraiment une série, pas seulement une ou deux, mais 12, 15, 20 citations au fond des lettres anonymes. Donc Rousseau, forcément, avait ce texte sous les yeux, ou alors sinon, il est tellement génial que les ayant entendus lire à 6 ans, il s'en est souvenu par cœur 30 ans après. Des lettres anonymes qui lui ont inspiré en quelque sorte le contrat social. Oui, ouais, disons que c'est une des sources d'inspiration du contrat social. Plus généralement, ce qui a inspiré fortement Rousseau, c'est cette idée que la souveraineté du peuple est essentielle à la légitimité d'un État. C'est une idée très très genevoise. Pour que l'État fonctionne bien, il faut que le peuple puisse donner son consentement à la politique qui est menée. Et si la politique allait contre le vœu du peuple, eh bien il faudrait en changer. Alors ça paraît évident aujourd'hui, à l'époque. Pas du tout. Non seulement ça paraît pas évident, mais les princes et les aristocraties faisaient la politique qu'ils voulaient et considéraient qu'ils avaient de compte à rendre à personne. Ouais. C'est pas, il faut dire que les Genevois n'étaient pas des aristocrates, hein, c'était une oligarchie de fait, hein, il n'y avait pas du tout de statut aristocratique, mais ces gens vivaient évidemment d'abord, ils avaient acquis avec grâce à la Banque internationale des fortunes considérables, donc ils vivaient en fait dans un monde très différent de celui des autres citoyens. Physiquement, ils avaient construit ces maisons somptueuses qu'on voit encore dans la vieille ville, et dans la campagne genevoise avec des parcs qui rivalisaient avec Versailles, vous imaginez, c'était pas du tout la même chose que les autres. Et puis alors, intellectuellement, ils s'étaient convertis à l'esprit scientifique, et puis bien sûr, au monde globalisé, parce que la Banque internationale, c'était déjà le monde globalisé. Alors ils vivaient ailleurs, donc ils n'avaient pas le sentiment qu'ils avaient des comptes à rendre à ces petits artisans qu'au fond, ils méprisaient cordialement. Alors une des choses centrales, n'est-ce pas, de Rousseau, c'est qu'il est l'homme des artisans, et le premier grand texte genevois, si on peut dire, de Rousseau, qui est la dédicace du discours sur l'inégalité à la République de Genève, elle contient au fond une leçon à l'oligarchie, le son qui est subtil, qui n'a pas été très bien comprise à l'époque en fait, mais où il leur dit attention, ces citoyens, des petits artisans, ces petits commerçants sont vos égaux, vous leur devez une manière de reconnaissance, vous leur devez du respect, vous devez en tenir compte. Évidemment, ce discours n'est pas du tout entendu. Guillaume Chenevière, quelle place à l'époque, dans cette Genève, à l'argent et à la banque ? Énorme, n'est-ce pas ? On peut dire que dans le courant du XVIIIe siècle, on a pu dire que l'espèce de semi-théocratie qui était Genève au XVIIe siècle se transforme en une plutocratie. Alors évidemment, c'est l'oligarchie qui est porteuse de cette transformation des valeurs. Au début, n'y croit pas. Elle est très attachée à sa religion, etc. Mais au fil du siècle, en effet, il y a un détournement de la religion de la part du patriciat. Et par exemple, un détail très très concret, il n'y a plus aucun fils de grande famille qui devient pasteur. Et ce sont des fils d'ouvriers, comme on le dit à l'époque, qui, à leur tour, vont devenir pasteurs. Alors que le peuple, évidemment, lui, reste axé sur ses valeurs. L'identité genevoise, c'est l'identité protestante. La plupart des gens sont des anciens persécutés qui sont venus se réfugier à Genève. Et évidemment, eux vivent dans un autre monde. Et alors, il y a une séparation des valeurs. Et au fond, d'un côté, vous avez l'oligarchie qui s'appuie sur Versailles et qui, au fond, ne croit plus tellement à ces vieilles valeurs calvinistes. Et puis, à l'inverse, vous avez le peuple qui, alors, devient de plus en plus démocrate et de plus en plus axé sur ses valeurs. Il y a un conflit qui, dans lequel Rousseau, évidemment, va jouer un rôle énorme. C'est pas, il s'engouffre là-dedans et il magnifie les valeurs des artisans genevois. Dans la citation que je faisais tout à l'heure, vous parlez des réseaux sociaux de l'époque. Quels étaient-ils ? Alors, ils étaient très faibles, mais ils ont été très, très bien utilisés. Et par exemple, le tout premier contestataire, qui s'appelle De La Chana, c'est un bonhomme qui se fait passer un peu pour fou, si on peut dire. Il dit des bêtises, il dit ceci, il dit cela, mais il utilise toutes les possibilités existantes et même pas existantes pour récolter des signatures. Alors on lui dit c'est interdit d'aller récolter des signatures. Il dit bon, alors je les récolte pas, mais je mets un livret dans mon magasin. Alors les gens viennent signer. Oui, mais ça c'est aussi interdit. Enfin, il joue sur toutes les possibilités et donc on voit bien qu'avec ça, il arrive pour finir, et c'est vraiment très bien fait, ils arrivent pour finir à avoir la totalité des habitants avec eux, les contestables. La totalité. C'est pour ça que moi je suis toujours étonné quand on dit, oui mais à Genève, il y avait deux groupes, un groupe qui était plutôt pro-Rousseau puis un autre groupe qui était anti-Rousseau. Non, les choses sont beaucoup plus simples que ça. Il y avait un groupe anti-Rousseau, c'est l'oligarchie, qui est 100 familles ou 200 familles au maximum, même plutôt moins. Et puis tout le reste des gens étaient complètement favorable à Rousseau, complètement. Et dès que le peuple a eu la possibilité de prendre le pouvoir, donc à la fin du 18e siècle, alors ça a été non seulement la réhabilitation entière du Rousseau condamné par la seule oligarchie en 1762, mais en plus de ça, ils en ont fait leur maître à penser, et comme disait mon ancêtre Nicolas Chenevière à l'époque, c'était le patron de la barque, et on essaye au fond d'appliquer Rousseau dans la démocratie de la fin du siècle, ce qui est très difficile, puisque comme vous le savez, Rousseau est un homme qui est plutôt, il présente plutôt les difficultés, les complications, il est passionné par ça, mais il montre tout à fait comment on peut parfaitement virer d'un côté, virer de l'autre. Pour lui, c'est un espèce d'équilibre dynamique extrêmement difficile à faire. Prendre des leçons chez Rousseau, c'est très difficile si on espère avoir simplement un guide pratique. Oui, nous verrons pourquoi dans quelques minutes, Guillaume Chenevière, pourquoi finalement, aujourd'hui, le sentiment qui domine, c'est qu'on a ici à Genève, notamment, gommé en quelque sorte l'aspect politique, philosophique de Rousseau. Là, on marque une pause. Je rappelle donc que nous évoquons ce livre qui paraît aux éditions Labor et Fides, Rousseau, une histoire genevoise. On marque une pause avec Rendez-nous la lumière. Ça tombe bien, c'est Dominique. À tout de suite. On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. Des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché. Infotrafic RTS. Suite à une surcharge de trafic sur l'axe Lucerne-Cassou, on signale 4 km d'embouteillage entre Amsteg et l'entrée nord du tunnel du Gothard, et cela en direction du Tessin. Et on se retrouve donc, Guillaume Chenevière, en direct de nos studios à Genève pour ce livre consacré à Rousseau. Rousseau, une histoire genevoise. Une précision, ça n'est pas la première fois, Guillaume Chenevière, que vous croisez, c'est le moins qu'on puisse dire, la route de Rousseau. Vous l'avez rencontré dans les années 80 au théâtre. Oui, même encore plus tôt, puisque c'est en 74 que nous avons monté Rousseau 82, qui était au fond un spectacle sur le même thème que ce livre que nous avions fait avec Werner Straub à l'époque. À qui vous dédiez d'ailleurs une... Oui, parce que c'est un travail que nous avons fait ensemble et c'était un très beau moment. Mais notre spectacle était un peu trop compliqué, un peu trop riche, il y avait un peu trop de choses. Et donc c'est que l'histoire est compliquée. Oui, elle est compliquée. Et moi, je voulais écrire un petit livre de 200 pages et malheureusement, mon livre est un peu plus long que ça. Mais je crois qu'elle est quand même intéressante et je crois qu'elle est d'autant plus intéressante qu'au fond... elle n'est pas racontée. Moi, et ça reste pour moi un trouble, même aujourd'hui, maintenant que je l'ai raconté, que personne jusqu'ici m'a dit que ce que j'ai raconté est faux, ça viendra peut-être encore, mais je constate qu'on continue par contre à raconter une histoire qui, à mes yeux, n'est pas tout à fait exacte. Pourquoi y revenir ? Alors, parce que je trouve que c'est une histoire extrêmement moderne. D'abord, il y a une chose tout à fait extraordinaire, c'est que déjà, à cette époque, Genève incarne deux choses à la fois. Cette notion de souveraineté du peuple, cette notion de démocratie quasiment directe à la fin du siècle, et parallèlement, cette image de banquier, on le dit agioteur à l'époque, mais c'est aujourd'hui c'est la même chose, les banquiers qui profitent de toutes les situations, etc. Alors, il y a d'un côté une image, si vous voulez, l'image de Genève est doublement négative. Elle est négative parce qu'on la considère comme trop démocratique et négative parce qu'on la considère comme trop liée à la finance internationale. Et donc, cette contradiction, elle est très, très intéressante. Et alors, à part Rousseau là-dedans, quoi, qui évidemment était un personnage central, puisque c'est à travers lui et à travers le prisme de Rousseau que je raconte toute l'histoire, il y a aussi des portraits de personnages, par exemple Clavière, qui est un personnage vraiment fascinant, qui est complètement pris lui-même dans les contradictions de la finance et de la démocratie, et qui finit par se suicider, les circonstances, mais en réalité, on pourrait dire que c'est sa propre contradiction qui conduit au suicide. Parlez-nous de Tronchin, le procureur général. Alors Tronchin est un homme très très intelligent, et Tronchin est un homme qui, évidemment, a tout de suite saisi, lorsqu'il a eu entre les mains le contrat social pendant une heure ou deux, si je puis dire, tout de suite il est tombé sur le passage où Rousseau dit il faut rétablir les assemblées périodiques, etc. Alors, Rousseau avait été, l'année précédente, il était devenu le héros absolu de Genève, n'est-ce pas ? Les plus grandes fêtes ont été, en fait, en l'honneur de Rousseau, parce que dans la lettre à D'Alembert, il avait dit aux Genevois, non seulement il ne faut pas faire théâtre, mais surtout il leur avait dit, mais soyez Genevois, soyez tellement Genevois que jamais les Parisiens pourront vous avaler. Et du coup, il y avait eu une espèce de réaction, les gens s'étaient dit, mais c'est vrai, on ne fait plus les exercices militaires comme on les faisait avant, on ne fait plus les grandes fêtes comme on les faisait avant, il faut rétablir tout ça. Et en 61, ils l'ont fait. Et alors, il y a eu un engouement pour Rousseau extraordinaire autour de ces fêtes, etc. L'oligarchie n'a pas moufté, mais en même temps, ça les a un petit peu troublés. Et puis, paf, arrive l'année suivante, le contrat social, et tout de suite, Tronchin repère ça, et il dit, alors celui-là, c'est un bout de feu, c'est épouvantable, il faut le condamner. Et puis ensuite, alors, il y a... On le condamne d'ailleurs pour de mauvaises raisons, quelque part, parce qu'on condamne à la fois le contrat social, mais également l'Émile, et on lui reproche d'être impie. Oui, mais ce n'est pas de mauvaises raisons, enfin, c'était des raisons assez habiles, oui, disons. C'est ce que je voulais dire. Ça camouflait. Ça camouflait. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Tronchin, qui est derrière cette condamnation, sauf que Tronchin avait condamné les livres, mais il ne trouvait pas que c'était une bonne idée de condamner Rousseau à la fameuse prise de corps, c'est-à-dire s'il vient, on le mettra en prison. Il disait, mais ça, c'est pas très bon. Bon. Puis ensuite, Rousseau, vous savez qu'il y a un moment de silence, il faut dire qu'il faut comprendre ça, jamais les citoyens de Genève ne s'étaient opposés à une décision concrète du magistrat. Ils se sont plaints des principes pas respectés. Mais une décision concrète, ils ont toujours dit « Ah, c'est le magistrat, il décide ». Et là, ils ont donc hésité. Hein. On leur a dit que Rousseau était impie. Bon, ils n'ont rien fait. Rousseau, très, très vexé de ça. Et une année plus tard, dès qu'il a reçu la citoyenneté neuchâteloise, il abdique. Et il le fait magnifiquement, avec une lettre sensationnelle, n'est-ce pas ? Et puis, alors là, il y a une indignation. Et 3 semaines plus tard, c'est la première représentation au gouvernement pour dire non, vous avez eu tort de condamner Rousseau, ce qui est inouï pour l'époque. Hein. Puis il y en a toute une série qui viennent. Et alors Tronchin prend la plume pour dire non, mais attendez, il y a une erreur complète. Hein, non. On est tout à fait légitime à avoir condamné Rousseau. Du reste, on l'a toujours fait comme ça. Ça s'est toujours passé de cette manière. C'est pas une question de fond. C'est une question de règles. Nous avons des règles. Nous les observons. Etc. Et il fait ça très très habilement. Comme il est très intelligent, hein, on dit Michel Porret dit que c'est le plus grand criminaliste de l'époque. C'est un homme très fort. Et évidemment, les citoyens de Genève sont troublés et se disent « Ouh là là, mais nous, on n'a pas la capacité intellectuelle pour répondre à ça. » Et ils disent à Rousseau « Je vous en supplie, faites quelque chose. » Alors Rousseau dit rien. Enfin, il dit « Bon, ben, envoyez-moi les documents, je verrai. Bon. » Et puis, en fait, il prépare en secret la bombe que va être les lettres écrites de la montagne. Il n'en dit rien à personne, bon, etc. Et en effet, il fera cette réponse, n'est-ce pas, à Tronchin, qui avait développé la théorie, dans les lettres de la campagne. De la montagne. La campagne de Tronchin et la montagne de Rousseau, qui écrit depuis Mosquée Travers. Voilà. D'où le titre de ses lettres. Voilà, exactement. Ouais. Alors, la montagne, ça se confond toujours un peu aujourd'hui, parce qu'on confond avec la montagne de la Révolution. Mais en fait, il s'agit bien simplement des montagnes de Châteloise. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je pense que Rousseau, dans ce mot de montagne, il voit aussi l'idée de sermon sur la montagne. Hein. Rousseau est sur la montagne. Et d'élévation. Voilà, et d'élévation. Et lui, il fait le sermon aux Genevois. Ouais, vous écrivez ceci, Guillaume Chenevière, elle confirme aussi le verdict de Rousseau dans les lettres écrites de la montagne. À défaut d'un rééquilibrage des pouvoirs entre le peuple et l'oligarchie, Genève est promise au despotisme absolu. Voilà, à la chute complète. Et c'était au fond ce que Rousseau voulait empêcher, là, notamment dans la lettre à D'Alembert, quand il voyait que Voltaire conseillait de construire un théâtre, il disait « ça y est, on va nous transformer Genève en une sorte d'équivalence de Paris que j'ai dénoncé en tant que citoyen de Genève ». Et puis, finalement, en lisant toute l'histoire de Genève, c'est surtout avec ça qu'il prépare les lettres écrites de la montagne, il se dit « en effet, même sans Voltaire, c'est ce qui est en train d'arriver ». Et ce qui est très extraordinaire, c'est qu'après la révolution de 82, qui est donc une révolution entièrement rousseauiste, dont tout le commentaire, les explications, les justifications sont l'application de Rousseau, Rousseau est mort à ce moment-là, mais les Genevois continuent à le suivre, eh bien, cette révolution est donc écrasée par les troupes françaises, sardes et bernoises, et on rétablit un régime oligarchique pur et dur, qui est une pure et simple copie de l'ancien régime français. C'est exactement ça. Ce que Rousseau craignait se produit littéralement dans ce qu'on a appelé à l'époque le régime de l'édit noir. L'édit noir étant l'édit par lequel Louis XIV avait réglé la vie des esclaves noirs. Hein, vous voyez, donc c'est un régime très, très, très dur. Et alors, c'est intéressant que ce soit ça. Donc, Rousseau l'avait au somme prévu, justement. Et alors, la révolution qui suivra tout ça, il y a d'abord une insurrection en janvier 89, puis une véritable révolution en décembre 92. Et alors, cette révolution sera, en somme, la continuation de ce qu'on n'avait pas réussi à faire en 82, toujours sous la bannière de Rousseau. Précisément, Guillaume Chenevière, Rousseau en indigné, disions-nous tout à l'heure. Quel était le climat dans les rues de Genève ? À quel moment, vous voulez dire ? Au début de... Au moment quand il était jeune. Quand il était jeune. Alors là, je pense qu'il y avait une sorte de, d'ébullition sous la cendre, parce que tout était terriblement tenu, l'oligarchie tenait les affaires, et on disait à ce moment-là que vous ne pouvez rien dire, c'est le moindre mot mal placé, et hop, vous pouvez vous faire renvoyer, bannir, etc. Il y avait une espèce de terreur, en réalité, qui régnait, mais il y avait une indignation sous-jacente. Et je pense que dans l'atelier d'Isaac Rousseau, le papa de Jean-Jacques, il devait y avoir le soir des conversations terribles, où on savait pas comment faire, mais on allait le faire. Et en effet, ça s'est fait en 1734, ça a mis beaucoup de temps, hein, parce que ces Genevois n'étaient pas des têtes très échauffées, ils avançaient prudemment, mais ils avançaient. Et en 1734, il y a eu, on ne peut pas raconter tout ça maintenant, mais il y a eu vraiment une sorte de prise du pouvoir par le peuple qui a réussi vraiment à s'établir, etc. Et ça se termine par la médiation française, qui, curieusement, n'a pas été demandée par l'oligarchie locale, mais qui a été arrangée de sa propre initiative par un banquier genevois de Paris. qui avait une grande influence sur les autorités françaises, parce que c'était lui qui prêtait l'argent pour approvisionner Paris, etc., et qui est allé là-bas, à Versailles, et qui a dit, écoutez, il y a du désordre à Genève, et maintenant il s'agit de régler tout ça, et je vous prie d'agir, et au fond, c'est à sa demande que ça s'est fait. 400 pages, enfin quelques 400 pages pour raconter ce siècle, finalement. Ouais, un siècle. Ouais. Un siècle, Guillaume Chenevière, comment avez-vous travaillé, selon quelle méthode ? Je ne sais pas si j'avais vraiment une méthode. J'ai tout lu. J'ai vraiment essayé de tout lire. Et j'ai essayé de faire tomber, si vous voulez, le sens. Ma question que j'avais tout le temps, c'était « Oui, nous savons ce qu'a pensé l'oligarchie, les gens très connus, les Tronchins, etc. Tout ça, nous le savons. Mais ce que le peuple a pensé, comment est-ce qu'on peut le savoir ?» Alors, on peut le savoir parce que d'abord, on regarde quand il y a eu des actions. Souvent, le peuple agit avec les pieds. On le voit faire quand 2000 personnes quittent Genève en juillet 82 en récitant la fameuse lettre de Rousseau à d'Hivernois qui dit « Il vous reste plus qu'à fuir en plein jour vos femmes et vos enfants au milieu de vous ». Quand ils le font, réellement, on peut être sûr qu'ils l'ont lu. S'ils ne l'avaient pas lu, ils ne l'auraient pas fait, n'est-ce pas ? Donc voilà, les choses comme ça. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a les chansons. Alors, j'ai trouvé beaucoup de chansons. Ça m'a beaucoup abusé de découvrir, j'ignorais évidemment avant d'écrire le livre, que mon ancêtre, Nicolas Chenevière, le premier pasteur de la famille, était aussi, et peut-être même encore davantage, chansonnier que pasteur, et qu'il était notamment le chansonnier, des contestations la terre de l'époque. Alors j'ai restitué ça parce que comme ça, on a ces chansons qu'on chantait dans la rue, les gens échangeaient, etc. Ça donne un climat sur lequel on n'aurait autrement pas de documents. On a le sentiment, en vous lisant, que de tout temps, Genève, ou une certaine Genève, Guillaume Chenevière, a voulu se débarrasser de Rousseau. J'en veux pour preuve l'interrogation qui clôt finalement votre livre. Le tricentenaire de 2012, dites-vous, sera-t-il pour le peuple de Genève l'occasion de découvrir son Rousseau ? Alors la question est tout à fait ouverte, je voudrais que ce soit le cas, je n'en suis pas encore tout à fait sûr aujourd'hui. Il faut quand même comprendre qu'il y a eu deux énormes machines pour effacer le souvenir du Rousseau politique et de la révolution par laquelle le 18e siècle s'est conclu à Genève. C'est d'abord la France elle-même, l'annexion française par le directoire. La première chose qu'ils ont fait, c'est de supprimer la fête à Rousseau. Ils ne voulaient plus qu'on parle de Rousseau à Genève, parce que Rousseau incarnait l'indiscipline genevoise, ce goût de la souveraineté populaire que Paris ne voyait pas du tout d'un bon œil à l'époque, évidemment encore moins sous l'Empire qui allait suivre presque instantanément. Et puis la Restauration qui est venue derrière, évidemment, ne voulait qu'une chose, c'est faire disparaître le souvenir de toute l'histoire du XVIIIe siècle, toute l'histoire de la souveraineté du peuple, et naturellement Rousseau. Première chose que fait la Restauration, c'est la destruction de la statue de Rousseau dans les bastions, qui est en 1817, qui dure 4 jours sous la protection des gendarmes, devant la foule absolument médusée. Et puis alors, c'est à ce moment-là que quelqu'un qui s'appelle David Dunant écrit une brochure en disant « Mais attendez, c'est impossible de détruire Rousseau. Tous les étrangers qui viennent à Genève veulent respirer l'air de Rousseau, marcher dans les traces de Rousseau. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de Rousseau comme ça. » Alors, c'est vrai, on ne peut pas se débarrasser de Rousseau, mais on va le transformer en un pur moraliste. Tout l'aspect politique va être gommé, mis dans les coins. Un pur moraliste. Et figurez-vous que Marc Monnier, en 1878, pour le premier centenaire de la mort de Rousseau, dans son discours, c'est même presque comique de lire ça, il dit aux Genevois, écoutez, mais il faut en prendre votre parti. Tous les poètes, tous les écrivains d'Europe se réclament de Rousseau. On peut pas l'ignorer, il faut faire avec. Quel est le texte, Guillaume Chenevière, de Jean-Jacques Rousseau que vous affectionnez plus particulièrement ? Il y en a tellement, moi je les aime beaucoup, je les aime tous. Je vais en prendre un, pas tout à fait au hasard, c'est celui-ci. Il n'y a plus aujourd'hui de Français, d'Allemands, d'Espagnols, d'Anglais même, quoi qu'on en dise. Il n'y a que des Européens. Tous, dans les mêmes circonstances, feront les mêmes choses. Tous se diront désintéressés et seront fripons. Tous parleront du bien public et ne penseront qu'à eux-mêmes. Tous vanteront la médiocrité et voudront être des Crésus. Ils n'ont d'ambition que pour le luxe. Ils n'ont de passion que celle de l'or. Sûrs d'avoir avec lui tout ce qui les tente, tous se vendront au premier qui voudra les payer. Que leur importe à quel maître ils obéissent, de quels états ils suivent les lois. pourvu qu'ils trouvent de l'argent à voler et des femmes à corrompre, ils sont partout dans leur pays. Voilà, un bel indigné. Oui, et c'est dire les résonances, la résonance de l'œuvre et de la pensée de Rousseau avec, avec notre époque. Oh là, extraordinaire. Enfin, moi, je n'ai pas arrêté en écrivant ce livre d'avoir l'impression que je lisais le journal du matin. Je vous remercie, Guillaume Chenevier, de nous avoir rejoints donc, pour cette Rousseau Histoire genevoise chez Laboret Fides. Et puis alors, Rousseau et Neuchâtel. Alors oui, demain, je vais à Neuchâtel, je vais à Mottier, monter dans la chaire du pasteur de Montmolin, où je vais parler de Rousseau Neuchâtelois, qui est aussi très intéressant. Alors, il faut faire une autre émission pour en parler. Et vous avez d'autres projets ? J'ai plein de projets. Moi, j'ai été déjà aux États-Unis, vous le savez, représenter Rousseau, et c'était passionnant. Le monsieur du représentant, le mouvement Occupy Wall Street, à la fin de la réunion, il m'a serré dans ses bras et il m'a dit « You, Rousseau, is our man ». Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là ? Un petit peu d'émotion quand même, parce que c'est assez sympathique. Aux États-Unis, Rousseau est beaucoup plus dans le débat politique actuel. Y compris dans la campagne. Oui, tout à fait, absolument. Absolument, sur CNN, il y avait un très joli sujet. Non, Rousseau est tout à fait compris. Et justement, dans les contradictions, parce que Rousseau peut être cité par le Tea Party, comme il peut être cité par le Occupy Wall Street. Et c'est un homme qui pense les problèmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui, notamment le fait que nous avons des intérêts particuliers qui s'opposent, et qu'on n'arrive plus à trouver le chemin de cette volonté générale auquel Rousseau tenait tant, qui est au fond l'intérêt commun de tout le monde. Voilà. Alors, Histoire genevoise, donc découvrir votre livre chez Laboret Fides, mais pour rentrer dans l'univers Rousseau, pour quelqu'un qui n'aurait jamais lu Rousseau, par où commencer ? Ça, c'est vraiment très, très difficile. Finalement, je pense que les considérations sur le gouvernement de Pologne, si on veut lire le texte politique, où le premier discours sont des discours d'entrée assez faciles. La toute grande œuvre, évidemment, c'est l'Émile. Mais alors l'Émile, il faut s'y lancer. Moi je recommande de m'y lancer. Toujours on se demande qu'est-ce qu'on emporterait dans son île déserte. Alors je crois finalement que j'emporterais, je dois le dire quand même, Shakespeare d'abord, mais ensuite l'Émile tout de même. Mais il faut y aller courageusement, hein. Il faut avoir un peu d'appétit.